Livre dixième, chapitre 4. Un maladroit ami. Cette même nuit, Quasimodo ne dormait pas. Il venait de faire sa dernière ronde dans l'église. Il n'avait pas remarqué, au moment où il enfermait les portes, que l'archidiacre était passé près de lui et avait témoigné quelque humeur en le voyant verrouiller et cadenasser avec soin l'énorme armature de fer qui donnait à leurs larges battants la solidité d'une muraille. Don Claude avait l'air encore plus préoccupé qu'à l'ordinaire. Du reste, depuis l'aventure nocturne de la cellule, il maltraitait constamment Quasimodo. Mais il avait beau le rudoyer, le frapper même quelquefois, rien n'ébranlait la soumission, la patience, la résignation dévouée du fidèle sonneur. De la part de l'archidiacre, il souffrait tout, injures, menaces, coups, sans murmurer un reproche, sans pousser une plainte. Tout au plus, le suivait-il des yeux avec inquiétude quand Don Claude montait l'escalier de la tour. Mais l'archidiacre s'était de lui-même abstenu de reparaître aux yeux de l'égyptienne. Cette nuit-là, donc, Quasimodo, après avoir donné un coup d'œil à ses pauvres cloches si délaissées, à Jacqueline, à Marie, à Thibault, était monté jusque sur le sommet de la tour septentrionale, et là, posant sur les plombs sa lanterne sourde bien fermée, il s'était mis à regarder Paris. La nuit, nous l'avons déjà dit, était fort obscure. Paris, qui n'était pour ainsi dire pas éclairé à cette époque, présentait à l'œil un amas confus de masses noires, coupées çà et là par la courbe blanchâtre de la Seine. Quasimodo n'y voyait plus de lumière qu'à une fenêtre d'un édifice éloigné, dont le vague et sombre profil se dessinait bien au-dessus des toits, du côté de la porte Saint-Antoine. Là aussi, il y avait quelqu'un qui veillait. Tout en laissant flotter dans cet horizon de brume et de nuit son unique regard, le sonneur sentait au-dedans de lui-même une inexprimable inquiétude. Depuis plusieurs jours, il était sur ses gardes. Il voyait sans cesse rôder autour de l'église des hommes à mine sinistre qui ne quittaient pas des yeux l'asile de la jeune fille. Il songeait qu'il se tramait peut-être quelque complot contre la malheureuse réfugiée. Il se figurait qu'il y avait une haine populaire sur elle, comme il y en avait une sur lui, et qu'il se pourrait bien qu'il arrivât bientôt quelque chose. Aussi se tenait-il sur son clocher, aux aguets, rêvant dans son rêvoir, comme dit Rabelais, l'œil tour à tour sur la cellule et sur Paris, faisant sur garde comme un bon chien, avec mille défiances dans l'esprit. Tout à coup, tandis qu'il scrutait la grande ville de cet œil que la nature, par une sorte de compensation, avait fait si perçant qu'il pouvait presque suppléer aux autres organes qui manquaient à Quasimodo, il lui parut que la silhouette du quai de la vieille pelleterie avait quelque chose de singulier, qu'il y avait un mouvement sur ce point, que la ligne du parapet, détachée en noir sur la blancheur de l'eau, n'était pas droite et tranquille, semblablement à celle des autres quais, mais qu'elle ondulait au regard comme les vagues d'un fleuve, comme des têtes d'une foule en marche. Cela lui parut étrange. Il redoubla d'attention. Le mouvement semblait venir vers la cité. Aucune lumière, d'ailleurs. Il dura quelque temps sur le quai, puis il s'écoula peu à peu, comme si ce qui passait entrait dans l'intérieur de l'île. Puis il cessa tout à fait, et la ligne du quai redevint droite et immobile. Au moment où Quasimodo s'épuisait en conjectures, il lui sembla que le mouvement reparaissait dans la rue du Parvis qui se prolonge dans la cité perpendiculairement à la façade de Notre-Dame. Enfin, si épaisse que fût l'obscurité, il vit une tête de colonne débouchée par cette rue et en un instant se répandre dans la place une foule dont on ne pouvait rien distinguer dans les ténèbres, sinon que c'était une foule. Ce spectacle avait sa terreur. Il est probable que cette procession singulière qui semblait si intéressé à se dérober sous une profonde obscurité, ne gardait pas un silence moins profond. Cependant, un bruit quelconque devait s'en échapper, ne fût-ce qu'un piétinement. Mais ce bruit n'arrivait même pas à notre sourd, et cette grande multitude, dont il voyait à peine quelque chose et dont il n'entendait rien, s'agitant et marchant néanmoins si près de lui, lui faisait l'effet d'une cohue de mort, muette, impalpable, perdue dans une fumée. Il lui semblait voir s'avancer vers lui un brouillard plein d'hommes, voir remuer des ombres dans l'ombre. Alors ses craintes lui revinrent, l'idée d'une tentative contre l'Égyptienne se représenta à son esprit. Il sentit confusément qu'il approchait d'une situation violente. En ce moment critique, il tint conseil en lui-même avec un raisonnement meilleur et plus prompt qu'on ne l'eût attendu d'un cerveau si mal organisé. Devait-il éveiller l'Égyptienne, la faire évader? Par où? Les rues étaient investies, l'église était acculée à la rivière, pas de bateau, pas d'issue. Il n'y avait qu'un parti, se faire tuer au seuil de Notre-Dame, résister du moins jusqu'à ce qu'il vînt un secours, s'il en devait venir, et ne pas troubler le sommeil de la Esmeralda. La malheureuse serait toujours éveillée assez tôt pour mourir. Cette résolution, une fois arrêtée, il se mit à examiner l'ennemi avec plus de tranquillité. La foule semblait grossir à chaque instant dans le parvis. Seulement, il présuma qu'elle ne devait faire que fort peu de bruit, puisque les fenêtres des rues de la place restaient fermées. Tout à coup, une lumière brilla, et en un instant, 7 ou 8 torches allumées se promenèrent sur les têtes, en secouant dans l'ombre leurs touffes de flammes. Quasimodo vit alors distinctement, moutonner dans le parvis, un effrayant troupeau d'hommes et de femmes en haillons, armés de faux, de piques, de serpes, de pertuisanes, dont les 1000 pointes étincelaient. Ça et là, des fourches noires faisaient des cornes à ses faces hideuses. Il se ressouvint vaguement de cette populace et crut reconnaître toutes les têtes qu'il avait quelques mois auparavant saluées Pape des Fous. Un homme qui tenait une torche d'une main et une boulaille de l'autre monta sur une borne et parut haranguer. En même temps, l'étrange armée fit quelque évolution, comme si elle prenait poste autour de l'église. Quasimodo ramassa sa lanterne et descendit sur la plateforme d'entre les tours pour voir de plus près et aviser aux moyens de défense. Clopin Trouillefou, arrivé devant le haut portail de Notre-Dame, avait en effet rangé sa troupe en bataille. Quoiqu'il ne s'attendît à aucune résistance, il voulait, en général prudent, conserver un ordre qui lui permît de faire front au besoin contre une attaque subite du Guet ou des 11-20. Il avait donc échelonné sa brigade, de telle façon que, vu de haut et de loin, vous eussiez dit le triangle romain de la bataille d'Ecnom, la tête de port d'Alexandre ou le fameux coin de Gustave Adolphe. La base de ce triangle s'appuyait au fond de la place, de manière à barrer la rue du Parvis. Un des côtés regardait l'Hôtel-Dieu, l'autre, la rue Saint-Pierre-aux-Bœufs. Clopin Trouillefou s'était placé au sommet, avec le duc d'Égypte, notre ami Jehan et les sabouleux les plus hardis. Ce n'était point chose très rare dans ces villes du Moyen-Âge qu'une entreprise comme celle que les truands tentaient en ce moment sur Notre-Dame. Ce que nous nommons aujourd'hui « police » n'existait pas alors. Dans les cités populeuses, dans les capitales surtout, pas de pouvoir central, un régulateur. La féodalité avait construit ces grandes communes d'une façon bizarre. Une cité était un assemblage de 1000 seigneuries qui la divisait en compartiments de toutes formes et de toutes grandeurs. De là, 1000 polices contradictoires, c'est-à-dire pas de police. À Paris, par exemple, indépendamment des 141 seigneurs prétendant censives, il y avait 25 prétendants justice et censives. Depuis l'évêque de Paris, qui avait 105 rues, jusqu'au prieur de Notre-Dame-des-Champs, qui en avait 40. Tous ces justiciers féodaux ne reconnaissaient que nominalement l'autorité suzeraine du roi. Tous avaient droit de voirie, ils étaient chez eux. Louis XI, cet infatigable ouvrier qui a si largement commencé la démolition de l'édifice féodal, continué par Richelieu et Louis XIV au profit de la royauté et achevé par Mirabeau au profit du peuple, Louis XI avait bien essayé de crever ce réseau de seigneuries qui recouvrait Paris en jetant violemment tout au travers deux ou trois ordonnances de police générale. Ainsi, en 1465, ordre aux habitants, la nuit venue, d'illuminer de chandelles leurs croisées et d'enfermer leurs chiens sous peine de la hart. Même année, ordre de fermer le soir les rues avec des chaînes de fer et défense de porter dagues ou armes offensives la nuit dans les rues. Mais en peu de temps, tous ces essais de législation communale tombèrent en désuétude. Les bourgeois laissèrent le vent éteindre leurs chandelles à leurs fenêtres et leurs chiens errer. Les chaînes de fer ne se tendirent qu'en état de siège. La défense de porter dagues n'amena d'autre changement que le nom de la rue Coupe-Gueule au nom de rue Coupe-Gorge, ce qui est un progrès évident. Le vieil échafaudage des juridictions féodales resta debout, immense entassement de bailliages et de seigneuries, se croisant sur la ville, se gênant, s'enchevêtrant, s'emmaillant de travers, s'échancrant les uns les autres. Inutile taillis de guets, de sous-guets, de contre-guets, à travers lequel passaient à main armée le brigandage, la rapine et la sédition. Ce n'était donc pas, dans ce désordre, un événement inouï que ces coups de main d'une partie de la populace sur un palais, sur une maison, dans les quartiers les plus peuplés. Dans la plupart des cas, les voisins ne se mêlant de l'affaire que si le pillage arrivait jusque chez eux, ils se bouchaient les oreilles à la mousquetade, fermaient leurs volets, barricadaient leurs portes, laissaient le débat se vider avec ou sans le guet, et le lendemain on se disait dans Paris « Cette nuit, Étienne Barbette a été forcé, le maréchal de Clermont a été pris au corps, etc. » Aussi, non seulement les habitations royales, le Louvre, le Palais, la Bastille, les Tournelles, mais les résidences simplement seigneuriales, le Petit Bourbon, l'Hôtel de Sens, l'Hôtel d'Angoulême, etc., avaient leurs créneaux au mur et leurs machicoulis au-dessus des portes. Les églises se gardaient par leur sainteté. Quelques-unes pourtant, du nombre desquelles n'était pas Notre-Dame, étaient fortifiées. L'abbé de Saint-Germain-des-Prés était crénelé comme un baron, et il y avait chez lui encore plus de cuivre dépensé en bombarde qu'en cloche. On voyait encore sa forteresse en 1610. Aujourd'hui, il reste à peine son église. Revenons à Notre-Dame. Quand les premières dispositions furent terminées, et nous devons dire à l'honneur de la discipline truande que les ordres de Clopin furent exécutés en silence et avec une admirable précision, le digne chef de la bande monta sur le parapet du parvis et éleva sa voix rauque et bourrue, se tenant tourné vers Notre-Dame et agitant sa torche dont la lumière tourmentée par le vent et voilée à tout moment de sa propre fumée faisait paraître et disparaître aux yeux la rougeâtre façade de l'église. À toi, Louis de Beaumont, évêque de Paris, conseiller en la cour de parlement. Moi, Clopin Trouillefou, roi de Thunes, grand coestre, prince de l'Argot, évêque des fous, je dis, notre sœur, faussement condamnée pour magie, s'est réfugiée dans ton église. Tu lui dois asile et sauvegarde. Or, la cour de parlement l'y peut reprendre, et tu y consens. Si bien qu'on la pendrait demain en grève, si Dieu et les truands n'étaient pas là. Donc, nous venons à toi, évêque. Si ton église est sacrée, notre sœur l'est aussi. Si notre sœur n'est pas sacrée, ton église ne l'est pas non plus. C'est pourquoi nous te sommons de nous rendre la fille, si tu veux sauver ton église, ou que nous reprendrons la fille et que nous pillerons l'église. Ce qui sera bien. en foi de quoi je plante ci ma bannière. Et Dieu te soit en garde, évêque de Paris. Quasimodo, malheureusement, ne put entendre ces paroles prononcées avec une sorte de majesté sombre et sauvage. Un truand présenta sa bannière à Clopin, puis la planta solennellement entre deux pavés. C'était une fourche aux dents de laquelle pendait saignant un quartier de charogne. Cela fait, le roi de Thunes se retourna et promena ses yeux sur son armée, farouche multitude où les regards brillaient presque autant que les piques. Après une pause d'un instant, « En avant, fils » cria-t-il, « à la besogne, les hutins !» 30 hommes, robustes, à membres carrés, à face de serruriers, sortirent des rangs avec des marteaux, des pinces et des barres de fer sur leurs épaules. Ils se dirigèrent vers la principale porte de l'église, montèrent le degré, et bientôt on les vit tous accroupis sous l'ogive, travaillant la porte de pinces et de leviers. Une foule de truands les suivit pour les aider ou les regarder. Les 11 marches du portail en étaient encombrées. Cependant, la porte tenait bon. « Diable, elle est dure et têtue !» disait l'un. « Elle est vieille et elle a des cartilages racornis !» disait l'autre. « Courage, camarade !» reprenait Clopin. « Je gage ma tête contre une pantoufle que vous aurez ouvert la porte, pris la fille et déshabillé le maître-autel avant qu'il y ait un bedeau de réveillé. Tenez, je crois que la serrure se détraque. » Clopin fut interrompu par un fracas effroyable qui retentit en ce moment derrière lui. Il se retourna. Une énorme poutre venait de tomber du ciel. Elle avait écrasé une douzaine de truands sur le degré de l'église et rebondissait sur le pavé avec le bruit d'une pièce de canon, en cassant encore ça et là des jambes dans la foule des gueux qui s'écartaient avec des cris d'épouvante. En un clin d'œil, l'enceinte réservée du parvis fut vide. Les hutins, quoique protégés par les profondes voussures du portail, abandonnèrent la porte et Clopin lui-même se replia à distance respectueuse de l'église. « Je l'ai échappé belle !» criait Jehan. « J'ai senti le vent, tête de bœuf, mais Pierre l'Assommeur est assommé !» Il est impossible de dire quel étonnement mêlé d'effroi tomba avec cette poutre sur les bandits. Ils restèrent quelques minutes les yeux fixés en l'air, plus consternés de ce morceau de bois que de 20 000 archers du roi. « Satan !» grommela le duc d'Égypte. « Voilà qui flaire la magie. C'est la lune qui nous jette cette bûche !» dit André le Rouge. « Avec cela !» reprit François Chanteprune, « qu'on dit la lune amie de la Vierge. « Mille papes !» s'écria Clopin. « Vous êtes tous des imbéciles !» Mais il ne savait comment expliquer la chute du madrier. Cependant, on ne distinguait rien sur la façade, au sommet de laquelle la clarté des torches n'arrivait pas. Le pesant madrier gisait au milieu du parvis, et l'on entendait les gémissements des misérables qui avaient reçu son premier choc et qui avaient eu le ventre coupé en deux sur l'angle des marches de pierre. Le roi de Thunes, le premier étonnement passé, trouva enfin une explication qui sembla plausible à ses compagnons. « Quel Dieu ! Est-ce que les chanoines se défendent ? Allons, à sac ! À sac ! À sac ! » répéta la cohue avec un hurrah furieux. Et il se fit une décharge d'arbalètes et de hackebutes sur la façade de l'église. À cette détonation, les paisibles habitants des maisons circonvoisines se réveillèrent. On vit plusieurs fenêtres s'ouvrir et des bonnets de nuit et des mains tenant des chandelles apparurent aux croisées. « Tirez aux fenêtres !» cria Clopin. Les fenêtres se refermèrent sur le champ et les pauvres bourgeois, qui avaient à peine eu le temps de jeter un regard effaré sur cette scène de lueur et de tumulte, s'en revinrent sués de peur près de leurs femmes. Se demandant si le sabbat se tenait maintenant dans le parvis de Notre-Dame, ou s'il y avait assaut de bourguignons comme en 64. Alors les maris songeaient au vol, les femmes au viol, et tous tremblaient. « À sac !» répétaient les argotiers. Mais ils n'osaient approcher. Ils regardaient l'église, ils regardaient le madrier. Le madrier ne bougeait pas. L'édifice conservait son air calme et désert, mais quelque chose glaçait les truands. « À l'œuvre donc, les hutins !» cria Trouillefou. « Qu'on force la porte !» Personne ne fit un pas. « Barbe et ventre !» dit Clopin. « Voilà des hommes qui ont peur d'une solive !»« Capitaine, ce n'est pas la solive qui nous ennuie, c'est la porte qui est cousue de barres de fer. Les pinces n'y peuvent rien. » « Que vous faudrait-il donc pour l'enfoncer ?» demanda Clopin. Un vieux hutin lui adressa la parole. « Ah, il nous faudrait un bélier. En voilà un !» Le roi de Thunes courut bravement au formidable madrier et mit le pied dessus. « Ce sont les chanoines qui nous l'envoient !» cria-t-il, et faisant un salut dérisoire du côté de l'église, « Merci, chanoines !» Cette bravade fit bon effet. Le charme du madrier était rompu. Les truands reprirent courage. Bientôt, la lourde poutre, enlevée comme une plume par 200 bras vigoureux, vint se jeter avec furie sur la grande porte qu'on avait déjà essayé d'ébranler. À voir ainsi, dans le demi-jour que les rares torches des truands répandaient sur la place, ce long madrier porté par cette foule d'hommes, qui le précipitait en courant sur l'église, on eût cru voir une monstrueuse bête à mille pieds, attaquant tête baissée, la géante de pierre. Au choc de la poutre, la porte à demi métallique résonna comme un immense tambour. Elle ne creva point, mais la cathédrale tout entière tressaillit, et l'on entendit gronder les profondes cavités de l'église. Au même instant, une pluie de grosses pierres commença à tomber du haut de la façade sur les assaillants. « Diable ! » cria Jehan. « Est-ce que les tours nous secouent leurs balustrades sur la tête ?» Mais l'élan était donné. Le roi de Thunes payait d'exemple. C'était décidément l'évêque qui se défendait. Et l'on n'en battit la porte qu'avec plus de rage, malgré les pierres qui éclataient les crânes à droite et à gauche. Il est remarquable que ces pierres tombaient toutes une à une. Mais elles se suivaient de près. Les argotiers en sentaient toujours deux à la fois, une dans leurs jambes, une sur leur tête. Il y en avait peu qui ne portassent un coup. Et déjà, une large couche de morts et de blessés saignait et palpitait sous les pieds des assaillants qui, maintenant furieux, se renouvelaient sans cesse. La longue poutre continuait de battre la porte à temps régulier, comme le mouton d'une cloche, les pierres de pleuvoir, la porte de mugir. Le lecteur n'en est sans doute point à deviner que cette résistance inattendue qui avait exaspéré les truands venait de Quasimodo. Le hasard avait par malheur servi le brave sourd. Quand il était descendu sur la plateforme d'entre les tours, ses idées étaient en confusion dans sa tête. Il avait couru quelques minutes le long de la galerie, allant et venant comme fou, voyant d'en haut la masse compacte des truands prête à se ruer sur l'église, demandant au diable ou à Dieu de sauver l'égyptienne. La pensée lui était venue de monter au beffroi méridional et de sonner le tocsin. Mais avant qu'il eût pu mettre la cloche en branle, avant que la grosse voix de Marie eût pu jeter une seule clameur, la porte de l'église n'avait-elle pas 10 fois le temps d'être défoncée? C'était précisément l'instant où les hutins s'avançaient vers elle avec leur serrurerie. Que faire? Tout à coup, il se souvint que les maçons avaient travaillé tout le jour à réparer le mur, la charpente et la toiture de la tour méridionale. Ce fut un trait de lumière. Le mur était en pierre, la toiture en plomb, la charpente en bois. Cette charpente prodigieuse, si touffue qu'on l'appelait la forêt. Quasimodo courut à cette tour. Les chambres inférieures étaient en effet pleines de matériaux. Il y avait des piles de moellons, des feuilles de plomb en rouleaux, des faisceaux de lattes, de fortes solives déjà entaillées par la scie, des tas de gravats, un arsenal complet. L'instant pressé, les pinces et les marteaux travaillaient en bas. Avec une force que décuplait le sentiment du danger, il souleva une des poutres, la plus lourde, la plus longue. Il la fit sortir par une lucarne, puis, la ressaisissant du dehors de la tour, il la fit glisser sur l'angle de la balustrade qui entoure la plateforme. Et la lâcha sur l'abîme. L'énorme charpente dans cette chute de 160 pieds, raclant la muraille, cassant les sculptures, tourna plusieurs fois sur elle-même comme une aile de moulin qui s'en irait toute seule à travers l'espace. Enfin, elle toucha le sol, l'horrible cri s'éleva, et la noire poutre, en rebondissant sur le pavé, ressemblait à un serpent qui saute. Quasimodo vit les truands s'éparpiller à la chute du madrier, comme la cendre au souffle d'un enfant. Il profita de leur épouvante, et tandis qu'ils fixaient un regard superstitieux sur la massue tombée du ciel, et qu'ils éborgnaient les seins de pierre du portail avec une décharge de sagettes et de chevrotines, Quasimodo entassait silencieusement des gravats, des pierres, des moellons, jusqu'au sac d'outils des maçons sur le rebord de cette balustrade, d'où la poutre s'était déjà élancée. Ainsi, dès qu'ils se mirent à battre la grande porte, la grêle de moellons commença à tomber, et il leur sembla que l'église se démolissait d'elle-même sur leur tête. Qui eût pu voir Quasimodo en ce moment eût été effrayé. Indépendamment de ce qu'il avait empilé de projectiles sur la balustrade, il avait amoncelé un tas de pierres sur la plateforme même. Dès que les moellons entassés sur le rebord extérieur furent épuisés, il prit au tas. Alors il se baissait, se relevait encore, avec une activité incroyable. Sa grosse tête de gnome se penchait par-dessus la balustrade, puis une pierre énorme tombait, puis une autre, puis une autre. De temps en temps, il suivait une belle pierre de l'œil, et quand elle tuait bien, il disait « Ha !» Cependant, les gueux ne se décourageaient pas. Déjà plus de 20 fois l'épaisse porte sur laquelle ils s'acharnaient avait tremblé sous la pesanteur de leur bélier de chêne, multiplié par la force de 100 hommes. Les panneaux craquaient, les ciselures volaient en éclats, les gonds à chaque secousse sautaient en sursaut sur leurs pitons, les haies se détraquaient, le bois tombait en poudre broyé entre les nervures de fer. Heureusement pour Quasimodo, il y avait plus de fer que de bois. Il sentait pourtant que la grande porte chancelait. Quoiqu'il n'entendît pas, chaque coup de bélier se répercutait à la fois dans les cavernes de l'église et dans ses entrailles. Il voyait d'en haut les truands pleins de triomphe et de rage montrer le poing à la ténébreuse façade, et il enviait, pour l'égyptienne et pour lui, les ailes des hiboux qui s'enfuyaient au-dessus de sa tête par volées. Sa pluie de moellons ne suffisait pas à repousser les assaillants. En ce moment d'angoisse, il remarqua un peu plus bas, la balustrade d'où il écrasait les argotiers, deux longues gouttières de pierre qui se dégorgeaient immédiatement au-dessus de la grande porte. L'orifice interne de ces gouttières aboutissait au pavé de la plateforme. Une idée lui vint. Il courut chercher un fagot dans son bouge de sonneur, posa sur ce fagot force bottes de latte et force rouleaux de plomb, munitions dont il n'avait pas encore usé. Et ayant bien disposé ce bûcher devant le trou des deux gouttières, il y mit le feu avec sa lanterne. Pendant ce temps-là, les pierres ne tombant plus, les truands avaient cessé de regarder en l'air. Les bandits, haletant comme une meute qui force le sanglier dans sa bauge, se pressaient en tumulte autour de la grande porte, toute déformée par le bélier, mais debout encore. Ils attendaient avec un frémissement le grand coup, le coup qui allait les ventrer. C'était à qui se tiendrait le plus près pour pouvoir s'élancer des premiers quand elle s'ouvrirait dans cette opulente cathédrale. Vaste réservoir où étaient venus s'amonceler les richesses de 3 siècles. Ils se rappelaient tous les uns aux autres, avec des rugissements de joie et d'appétit, les belles croix d'argent, les belles chapes de brocart, les belles tombes de vermeil, les grandes magnificences du cœur, les fêtes éblouissantes, les Noëls étincelants de flambeaux, les Pâques éclatants de soleil, toutes ces solennités splendides où châsses, chandeliers, ciboires, tabernacles, reliquaires bosselaient les autels d'une croûte d'or et de diamants. Certes, en ce beau moment, Cagou et Malingreux, Archisuppôt et Riffaudet, songeaient beaucoup moins à la délivrance de l'Égyptienne qu'au pillage de Notre-Dame. Nous croirions même volontiers que pour bon nombre d'entre eux, la Esmeralda n'était qu'un prétexte, si des voleurs avaient besoin de prétextes. Tout à coup, au moment où ils se groupaient pour un dernier effort autour du bélier, chacun retenant son haleine et roidissant ses muscles afin de donner toute sa force au coup décisif, un hurlement plus épouvantable encore que celui qui avait éclaté et expiré sous le madrier s'éleva au milieu d'eux. Ceux qui ne criaient pas, ceux qui vivaient encore, regardèrent. Deux jets de plomb fondu tombaient du haut de l'édifice, au plus épais de la cohue. Cette mer d'hommes venait de s'affaisser sous le métal bouillant qui avait fait, aux deux points où il tombait, deux trous noirs et fumants dans la foule, comme ferait de l'eau chaude dans la neige. On y voyait remuer des mourants à demi calcinés et mugissant de douleur. Autour de ces deux jets principaux, il y avait des gouttes de cette pluie horrible qui s'éparpillaient sur les assaillants et entraient dans les crânes comme des vrilles de flammes. C'était un feu pesant qui criblait ces misérables de mille grêlons. La clameur fut déchirante. Ils s'enfuirent pêle-mêle, jetant le madrier sur les cadavres, les plus hardis comme les plus timides, et le parvis fut vide une seconde fois. Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d'étincelles. Une grande flamme désordonnée et furieuse, dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. Au-dessous de cette flamme, au-dessous de la sombre balustrade à trèfle de braise, deux gouttières en gueule de monstre vomissaient sans relâche cette pluie ardente qui détachait son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade inférieure. À mesure qu'ils approchaient du sol, les deux jets de plomb liquide s'élargissaient en gerbes, comme l'eau qui jaillit des mille trous de l'arrosoir. Au-dessous de la flamme, les énormes tours, de chacune desquelles on voyait deux faces crues et tranchées, l'une toute noire, l'autre toute rouge, semblaient plus grandes encore, de toute l'immensité de l'ombre qu'elles projetaient jusque dans le ciel. Leurs innombrables sculptures de diables et de dragons prenaient un aspect lugubre. La clarté inquiète de la flamme les faisait remuer à l'œil. Il y avait des guivres qui avaient l'air de rire, des gargouilles qu'on croyait entendre japper, des salamandres qui soufflaient dans le feu, des tarasques qui éternuaient dans la fumée. Et parmi ces monstres, ainsi réveillés de leur sommeil de pierre par cette flamme, par ce bruit, il y en avait un qui marchait et qu'on voyait de temps en temps passer sur le front argent du bûcher comme une chauve-souris devant une chandelle. Sans doute, ce phare étrange allait éveiller au loin le bûcheron des collines de Bicêtre, épouvanté de voir chanceler sur ses bruyères l'ombre gigantesque des tours de Notre-Dame. Il se fit un silence de terreur parmi les truands, pendant lequel on n'entendit que les cris d'alarme des chanoines enfermés dans leur cloître et plus inquiets que des chevaux dans une écurie qui brûle. Le bruit furtif des fenêtres vite ouvertes et plus vite fermées, le remue-ménage intérieur des maisons et de l'Hôtel-Dieu, le vent dans la flamme, le dernier râle des mourants et le pétillement continu de la pluie de plomb sur le pavé. Cependant, les principaux truands s'étaient retirés sous le porche du logis Gondelaurier et tenaient conseil. Le duc d'Égypte, assis sur une borne, contemplait avec une crainte religieuse le bûcher fantasmagorique resplendissant à 200 pieds en l'air. Clopin Trouillefou se mordait ses gros poings avec rage. « Impossible d'entrer !» murmurait-il entre ses dents. « Une vieille église fée !» grommelait le vieux bohémien Mathias Ungadis Picali. « Par les moustaches du pape !» reprenait un narquois grisonnant qui avait servi. « Voilà des gouttières d'église qui nous crachent du plomb fondu, mieux que des machicoulis de lectoure. Voyez ce démon qui passe et repasse devant le feu !» s'écriait le duc d'Égypte. « Pardieu !» dit Clopin. « C'est le damné sonneur. C'est Quasimodo !» Le bohémien hochait la tête. « Je vous dis, moi, que c'est l'esprit Sapnac, le grand marquis, le démon des fortifications. Il a forme d'un soldat armé, une tête de lion. Quelquefois, il monte un cheval hideux. Il change les hommes en pierre dont il bâtit des tours. Il commande à 50 légions. C'est bien lui, je le reconnais. Quelquefois, il est habillé d'une belle robe d'or, figurée à façon des Turcs. « Oui, belle vigne de l'étoile ?» demanda Clopin. « Il est mort !» répondit une truande. Andry le Rouge riait d'un rire idiot. « Notre-Dame donne de la besogne à l'Hôtel-Dieu » disait-il. « Il n'y a donc pas moyen de forcer cette porte !» s'écria le roi de Thunes en frappant du pied. Le duc d'Égypte lui montra tristement les deux ruisseaux de plomb bouillant qui ne cessaient de rayer la noire façade, comme deux longues quenouilles de phosphore. « On a vu des églises qui se défendaient ainsi d'elles-mêmes, » observa-t-il en soupirant. « Sainte Sophie de Constantinople, il y a 40 ans de cela, a 3 fois de suite jeté à terre le croissant de Mahon, en secouant ses dômes qui sont des têtes. Guillaume de Paris, qui a bâti celle-ci, était un magicien. Faut-il donc s'en aller piteusement comme des laquais de grand route ?» dit Clopin. « Laissez là notre sœur, que ces loups chaperonnés pendront demain. Et la sacristie où il y a des charretées d'or !» ajouta un truand, dont nous regrettons de ne pas savoir le nom. « Barbe Mahon !» cria Trouillefou. « Essayons encore une fois !» reprit le truand. Mathias Ungadis hocha la tête. « Nous n'entrerons pas par la porte. Il faut trouver le défaut de l'armure de la vieille fée. Un trou, une fausse poterne, une jointure quelconque. « Qui en est ?» dit Clopin. « J'y retourne !»« À propos, où est donc le petit écolier Jehan qui était si enferraillé ?»« Il est sans doute mort !» répondit quelqu'un. « On ne l'entend plus rire !» Le roi de Thunes fronça le sourcil. « Tant pis, il avait un brave cœur sous cette ferraille !»« Et maître Pierre Gringoire ?»« Capitaine Clopin !» dit Andry le Rouge. « Il s'est esquivé que nous n'étions encore qu'au pont au changeur !» Clopin frappa du pied. « Que le Dieu ! C'est lui qui nous a poussés, Céan ! Et il nous plante là, au milieu de la besogne ! Lâche bavard casqué d'une pantoufle !»« Capitaine Clopin ! » cria Andry le Rouge qui regardait dans la rue du Parvis. « Voilà le petit écolier !»« Loué soit plutôt ! » dit Clopin. « Mais que diable tire-t-il après lui ?» C'était Jehan, en effet, qui accourait aussi vite que lui permettaient ses lourds habits de paladin, et une longue échelle qu'il traînait bravement sur le pavé, plus essoufflée qu'une fourmi attelée à un brin d'herbe, 20 fois plus long qu'elle. « Victoire ! Te Deum ! » criait l'écolier. « Voilà l'échelle des déchargeurs du pont Saint-Landry !» Clopin s'approcha de lui. « Enfant, que veux-tu faire, corne-dieu, de cette échelle ?»« Je l'ai !» répondit Jehan haletant. « Je savais où elle était !» Sous le hangar de la maison du lieutenant. Il y a une fille que je connais qui me trouve beau comme un cupido. Je m'en suis servi pour avoir l'échelle. Et j'ai l'échelle, parce que Mahon. La pauvre fille est venue m'ouvrir en chemise. Oui, dit Clopin. Mais que veux-tu faire de cette échelle? Jehan le regarda d'un air malin et capable, et fit claquer ses doigts comme des castagnettes. Il était sublime en ce moment. Il avait sur la tête un de ces casques surchargés du XVe siècle qui épouvantaient l'ennemi de leur cimier chimérique. Le sien était hérissé de 10 becs de fer, de sorte que Jehan eût pu disputer la redoutable épithète au navire homérique de Nestor. « Ce que j'en veux faire, auguste roi de Thunes ? Voyez cette rangée de statues qui ont des mines d'imbéciles, là-bas au-dessus des 3 portails. »« Oui, eh bien. » « C'est la galerie des rois de France. » « Qu'est-ce que cela me fait ?» dit Clopin. « Attendez donc, il y a au bout de cette galerie une porte qui n'est jamais fermée colloquée. Avec cette échelle, j'y monte et je suis dans l'église. »« Enfant, laisse-moi monter le premier. »« Non pas, camarade, c'est à moi l'échelle. Venez, vous serez le second. »« Que Belzébuth t'étrangle !» dit le bourru Clopin. « Je ne veux être après personne. » « Alors, Clopin, Cherche une échelle. » Jehan se mit à courir par la place, tirant son échelle et criant « À moi, les fils !» En un instant, l'échelle fut dressée et appuyée à la balustrade de la galerie inférieure, au-dessus d'un des portails latéraux. La foule des truands, poussant de grandes acclamations, se pressa au bas pour y monter. Mais Jehan maintint son droit et posa le premier, le pied sur les échelons. Le trajet était assez long. La galerie des rois de France est élevée aujourd'hui d'environ 60 pieds au-dessus du pavé. Les 11 marches du perron l'exhaussaient encore. Jehan montait lentement, assez empêché par sa lourde armure, d'une main tenant l'échelon, de l'autre son arbalète. Quand il fut au milieu de l'échelle, il jeta un coup d'œil mélancolique sur les pauvres argotiers morts dont le degré était jonché. « Hélas ! » dit-il, « voilà un monceau de cadavres digne du 5e chant de l'Iliade. » Puis il continua de monter. Les truands le suivaient. Il y en avait un sur chaque échelon. À voir s'élever en ondulant dans l'ombre cette ligne de dos cuirassé, on eût dit un serpent à écailles d'acier qui se dressait contre l'église. Jehan, qui faisait la tête et qui sifflait, complétait l'illusion. L'écolier toucha enfin au balcon de la galerie et l'enjamba assez lestement aux applaudissements de toute la truanderie. Ainsi, maître de la citadelle, il poussa un cri de joie et tout à coup s'arrêta, pétrifié. Il venait d'apercevoir derrière une statue de roi Quasimodo caché dans les ténèbres, l'œil étincelant. Avant qu'un second assiégeant eût pu prendre pied sur la galerie, le formidable bossu sauta à la tête de l'échelle, saisit sans dire une parole le bout des deux montants de ses mains puissantes, les souleva, les éloigna du mur, balança un moment, au milieu des clameurs d'angoisse, la longue et pliante échelle encombrée de truands du haut en bas, et subitement, avec une force surhumaine, rejeta cette grappe d'hommes dans la place. Il y eut un instant où les plus déterminés palpitèrent. L'échelle, lancée en arrière, resta un moment droite et debout et parut hésiter, puis oscilla, puis, tout à coup, décrivant un effrayant arc de cercle de 80 pieds de rayon, s'abattit sur le pavé avec sa charge de bandits plus rapidement qu'un pont-levis dont les chaînes se cassent. Il y eut une immense imprécation, puis tout s'éteignit, et quelques malheureux mutilés se retirèrent en rampant de dessous le monceau de mort. Une rumeur de douleur et de colère succéda parmi les assiégeants au premier cri de triomphe. Quasimodo impassible, les deux coudes appuyés sur la balustrade, regardait. Il avait l'air d'un vieux roi chevelu à sa fenêtre. Jehan Frollo, lui, était dans une situation critique. Il se trouvait dans la galerie avec le redoutable sonneur, seul, séparé de ses compagnons par un mur vertical de 80 pieds. Pendant que Quasimodo jouait avec l'échelle, l'écolier avait couru à la poterne qu'il croyait ouverte. Point ! Le sourd, en entrant dans la galerie, l'avait fermée derrière lui. Jehan, alors, s'était caché derrière un roi de pierre, n'osant souffler et fixant sur le monstrueux bossu une mine effarée, comme cet homme qui, faisant la cour à la femme du gardien d'une ménagerie, alla un soir à un rendez-vous d'amour, se trompa de mur dans son escalade et se trouva brusquement tête à tête avec un ours blanc. Dans les premiers moments, le sourd ne prit pas garde à lui. Mais enfin, il tourna la tête et se redressa tout d'un coup. Il venait d'apercevoir l'écolier. Jehan se prépara à un rude choc, mais le sourd resta immobile. Seulement, il était tourné vers l'écolier qu'il regardait. « Oh oh ! » dit Jehan. « Qu'as-tu à me regarder de cet œil borgne et mélancolique ?» Et en parlant ainsi, le jeune drôle apprêtait sournoisement son arbalète. « Quasimodo ! » cria-t-il. « Je vais changer ton surnom. On t'appellera l'aveugle. » Le coup partit. Le vireton empenné siffla et vint se ficher dans le bras gauche du bossu. Quasimodo ne s'en émut pas plus que d'une égratignure au roi Pharamond. Il porta la main à la sagette, l'arracha de son bras et la brisa tranquillement sur son genou. Puis il laissa tomber, plutôt qu'il ne jeta à terre, les deux morceaux. Mais je n'en eus pas le temps de tirer une seconde fois. La flèche brisée, Quasimodo souffla bruyamment, bondit comme une sauterelle et retomba sur l'écolier, dont l'armure s'aplatit du cou contre la muraille. Alors, dans cette pénombre où flottait la lumière des torches, on entrevit une chose terrible. Quasimodo avait pris de la main gauche les deux bras de Jehan qui ne se débattaient pas tant il se sentait perdu. De la droite, le sourd lui arrachait l'une après l'autre en silence, avec une lenteur sinistre, toutes les pièces de son armure, l'épée, les poignards, le casque, la cuirasse, les brassards. On eût dit un singe qui épluche une noix. Quasimodo jetait à ses pieds, morceau à morceau, la coquille de fer de l'écolier. Quand l'écolier se vit désarmé, déshabillé, faible et nu, dans ses redoutables mains, il n'essaya pas de parler à ce sourd, mais il se mit à lui rire effrontément au visage et à chanter avec son intrépide insouciance d'enfant de 16 ans la chanson alors populaire. « Elle est bien habillée, la fille de Cambrai, Marafin l'a pillée. » Il n'acheva pas. On vit Quasimodo debout sur le parapet de la galerie, qui d'une seule main tenait l'écolier par les pieds, en le faisant tourner sur l'abîme, comme une fronde. Puis, on entendit un bruit comme celui d'une boîte osseuse qui éclate contre un mur, et l'on vit tomber quelque chose qui s'arrêta au tiers de la chute à une saillie de l'architecture. C'était un corps mort qui resta accroché là, plié en deux, les reins brisés, le crâne vide. Un cri d'horreur s'éleva parmi les truands. « Vengeance !» cria Clopin. « À sac !» répondit la multitude. « Assaut ! Assaut !» Alors, ce fut un hurlement prodigieux où se mêlaient toutes les langues, tous les patois, tous les accents. La mort du pauvre écolier jeta une ardeur furieuse dans cette foule. La honte l'a pris et la colère d'avoir été si longtemps tenu en échec devant une église par un bossu. La rage trouva des échelles, multiplia les torches, et au bout de quelques minutes, Quasimodo, éperdu, vit cette épouvantable fourmilière monter de toutes parts à l'assaut de Notre-Dame. Ceux qui n'avaient pas d'échelles avaient des cordes à nœuds, ceux qui n'avaient pas de cordes grimpaient au relief des sculptures. Ils se pendaient aux guenilles les uns des autres. Aucun moyen de résister à cette marée ascendante de faces épouvantables. La fureur faisait rutiler ces figures farouches. Leurs fronts terreux ruisselaient de sueur, leurs yeux éclairés. Toutes ces grimaces, toutes ces laideurs investissaient Quasimodo. On eût dit que quelque autre église avait envoyé à l'assaut de Notre-Dame ses gorgones, ses dogues, ses drées, ses démons, ses sculptures les plus fantastiques. C'était comme une couche de monstres vivants sur les monstres de pierre de la façade. Cependant, la place s'était étoilée de 1000 torches. Cette scène désordonnée jusqu'alors enfouie dans l'obscurité s'était subitement embrasée de lumière. Le parvis resplendissait et jetait un rayonnement dans le ciel. Le bûcher allumé sur la haute plateforme brûlait toujours et illuminait au loin la ville. L'énorme silhouette des deux tours, développée au loin sur les toits de Paris, faisait dans cette clarté une large échancrure d'ombre. La ville semblait s'être émue, des tocsins éloignés se plaignaient. Les truands hurlaient, haletaient, juraient, montaient. Et Quasimodo, impuissant contre tant d'ennemis, frissonnant pour l'égyptienne, voyant les faces furieuses se rapprocher de plus en plus de sa galerie, demandait un miracle au ciel et se tordait les bras de désespoir.